지져. 오케이. 저 두 지병 패는들 SF 렉션 뇽마 Faut que je kill trop hostile. Tu rêves d'avoir mon style. J'suis spécial au mic et rien que j'enfile tes formes de mesure. Mec, maintenant vas-y, file. Cache-toi, c'est la guerre, ça fait peur. Dis ton chef d'RG que j'ai baisé sa sœur et sa femme. Il passe, raciste, bâtard, nous censure. J'me sens sur le beat car je crache tout mon cœur et en cœur. Je veux vous entendre crier. Nique la République, la France, on va la plier. J'suis sérieux, ces enculés veulent l'entrepôt. T'as vu, gros, les flics nous chassent comme des animaux, c'est chaud. Et j'suis armé jusqu'au dent. Au cas où ça pète, t'inquiète, j'ai mon clan. Des bâches, des dingues, que des immigrés. Des calages, des flingues, pour tous vous niquer. Ma bouche te saigne, ton mal mène et crache des mots. Mais crois pas, mec, moi aussi j'ai mes propres démons. Mais c'est pour ça que je vainque tous cette putain de démo. Et de façon à la foutre d'être connu comme moi, un démo. Mais t'inquiète, mec, derrière moi y'a un putain de mots. Je pèse les rageux, même si je dois pas me lever demain. Car je suis un bonhomme, pas un peu, je prends ma vie à deux mains. Et je m'en sortirai, même si je dois jouer des pieds et des poings. Bref, faut pas se presser, jusqu'au bout j'avancerai pas. Pas. Tous les jours, les allers-retours entre le QG et pas tapin. Poser le week-end avec mes sauces dans le chicarapia. Parfois ça part en couille, fini sur 24 heures de garde. Frère au mic, mes lyrics, je crache, j'index c'est violent. Et sur split mes larmes, je crie, sortez les violons. Dis-moi pourquoi dans nos tests, tant de violence. En chien de chienne, dans nos camas, nous violons. Mais trop de corrompus dans nos rues, ouais, d'abdo et misère, c'est juste un aperçu. Mais trop de corrompus dans nos rues, ouais, d'abdo et misère, c'est juste un aperçu, frère. Ouais frère, 2006 rien n'est voulu dans la bonne direction. J'ai trop souffert dans mon univers et je suis trop sous pression. J'ai l'impression de descendre petit à petit les marches de l'enfer. Ne sachant plus que faire à part laisser les gens faire l'affaire. Mais bon, je m'en bats les couilles car c'était pas mon affaire, mon frère. J'ai l'air désespéré mais je sais qu'il faut que je me relève. J'esquive les coups de glaive du chétable mais j'entends qu'il m'appelle. Cette vie n'est pas facile mais heureusement quand y'a un malaise. Je me tourne vers mes proches, c'est ce qui me donne la force. Et je m'en bats les couilles même si je roule pas en Porsche. Écorché, mes morceaux sur ce beat à force de forcer. Ils te font nos plaies pour vous. De ce système même où Marie-Louise est la reine. Sarkozy qui pointe à sort, il manquerait plus que ce chien le fait. Mais pas la peine d'en rajouter, car je sais que je suis désespéré. Et malgré moi je sais que je ne pourrais me relever. Flex, aka réflexion, aka FLX, aka rap résurrection. Dans le rap j'ai trop de fidèles, on m'appelle le pasteur. Je prêche la bonne parole, aka le rédempteur. Aka flow AK-47, aka headshot avec une rime en pleine tête. Aka street lyriciste, aka MC trop vrai, aka fuck l'illicite. Aka hip hop jusqu'au doigt de pied. Aka lyrique si profond que tu perds pied. Aka spawn, aka j'trône sur ma zone. Aka j'prône mes valeurs avec un gros cône. Aka Deadpool, viens pas me test dans ma poule. Aka j'défouraille des boules et des rimes de ma boule. Aka MC schizophrène, tellement d'aka que j'pourrais remplir la prison de frêne.